Certes, sans la maîtrise de l'homme, sans la maîtrise de l'homme, sans la maîtrise de l'homme, sans l'homme, sans la maîtrise de l'homme, maîtrise de l'homme, sans la maîtrise de maîtrise de l'homme, aucun complexe technique ne pourrait fonctionner. Aucun complexe technique ne pourrait. Aucun complexe technique, aucun complexe, aucun. Aucun complexe technique ne pourrait fonctionner. Aucun complexe technique ne pourrait fonctionner. Et l'homme n'a pas à craindre. De devenir totalement l'esclave de la machine. De la machine. Complex technics wouldn't be able to work without the mastermind of men. Retrouvez l'ensemble des émissions de Radiolist sur www.radioliste.org.